puisqu'on parlait de sangliers, c'est l'heure à présent de donner la parole à un de mes animaux préférés. C'est moi. Je dirais mi-ours, mi-putois. Il est doux comme un tapir et affûté comme une taupe hémiplégique. Ouais. À grosse couille, donc. Voilà, je me permets de rajouter. C'est moi. C'est Aymeric Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Vous devez deviner qui je suis. Non, j'arrête ce jeu. J'arrête. En plus, je trouve que ça prend du temps sur ma chronique et ça empêche de rentrer aux profondeurs sur des sujets ô combien importants. Et souvent, en fait, quand je suis dans mon fauteuil à bascule, tu sais, j'imagine les auditeurs se dire « Mais Aymeric, il est tellement fort en analyse de l'actualité et que je préférais peut-être même me passer l'oxygène ou même des coquillettes au cheddar que de son point de vue acerbe. En plus, il est beau avec sa crinière qu'on dirait une Amazone. Si j'étais un dieu, je me sentirais presque son égal. Aymeric non prétentieux ?» Oui. Oh là là, je vous ai bien nu là. Oh, c'était long. Là, je vous ai bien nu parce que au début vous êtes dit il va arrêter. En fait, non, j'ai pas arrêté. Mais ça, quand tu joues bien, ça c'est, tu peux faire avaler n'importe quoi, n'importe qui. Hein, Depardieu, si tu m'entends. Allez, l'actualité. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas quelqu'un qui serait sous un abribus et qui serait là. Bah, j'attends qu'il s'arrête de pleuvoir. Qu'est-ce qui pleut en ce moment? Wow. Eh ben, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Tu pleut, ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. S'il pleut, putain, j'en peux plus d'entendre les gogoles fachos climato-sceptiques, là, mais qu'ils sont cons. C'est pas possible d'être bête comme ça, là, gni. Ils ont arrêté l'école à l'arrêt de bus, c'est pas possible, je te jure. Putain, les fachos, s'ils montaient un groupe de rock avec leur père, leur frère et leur cousin, ce serait quand même un duo, tellement ils sont consanguins. Putain, je te jure. Les fachos, tu les mets devant une machine, la machine à coups de poing à la fête foraine, ils sont contents. Ils sont là, je suis fort. J'ai mangé mon poids en gravier. Bon, une dernière fois, je vous explique, les fachos. C'est parti, putain, je prends mon temps de travail. Allez, et je vais mettre des lunettes pour les expliquer. Que ça, parce qu'ils aiment bien, les fachos, quand on met des lunettes. Tu sais, ils aiment bien quand Pascal Pro ou Sonia Magrout, ils mettent des lunettes. Tu sais, ils sont là. Jean-Christine, il y a Pascal qui met ses lunettes. Jean-Christine, viens, il va dire un truc intelligent, je mets pause. J'arrive. Excuse-moi, j'étais en train d'éplucher les coquillettes. Et regarde, Jean-Christine, quand on met pause, c'est une photo comme sur les paquets de cigarettes. Mais non, abruti, c'est Elisabeth Lévy. Allez, mets play. Une prof agressée, la laïcité est remise en cause. Et si on coupait tout toutes les mains des bougnoules. Ouais, vite, allons acheter des fourchettes. Non, des couteaux. Pourquoi? Bah, pour couper la main, c'est mieux les couteaux. De qui? Je sais pas. Bah, viens, on va laver le trottoir. Ok. Bon, allez, pourquoi? Alors, les fachos, on m'écoute. Pourquoi qu'il y a la pluie alors qu'il y a quand même le réchauffement climatique? Alors, on y va, c'est parti. Et on écoute bien les fachos, on commence pas à faire autre chose, genre essayer de se toucher l'arrière des yeux en mettant les doigts dans son nez. C'est parti. Alors les fachos, vous voyez l'eau des océans, l'eau des mers, ou même l'eau des lacs, ou même l'eau des ruisseaux, il y a l'eau des toilettes aussi. Oui, l'eau des toilettes. Bon, quand l'eau, elle se réchauffe, qu'est-ce qu'elle fait? Vous dites pas les autres, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? On y va. Elle s'y va, Mendes. Non, elle s'y va, Mendes. Non, elle s'y va. Porc, oui, faut manger du porc, sinon on devient musulman, oui. Voilà, alors, on continue. L'eau, elle monte dans le ciel, elle refroidit et finit par se condenser pour devenir des nuages, oui, c'est bien, monsieur Retailleau. Alors... Et aussi, le réchauffement permet aussi à l'air de contenir plus d'eau. Et selon le théorème de Clausius-Capéron, on peut donc... J'ai envie que les femmes, elles avortent plus. On va faire une pause parce que là, ça commence à saigner du nez. Donc, les fachos, pour conclure, voilà, on peut conclure que le réchauffement de la planète provoque un dérèglement climatique qui ne correspond pas forcément à plus chaud ou à plus de soleil. Hein? Mais il y a un bordel ambiant qui fait qu'on va bien en chier. Voilà, il est indispensable de dissocier météo et climat. Bah, putain, je vois pas pourquoi je m'emmerde à leur expliquer. De toute façon, on va tous crever, il n'y a plus rien à faire. Et les Noirs aussi vont mourir s'il y a un dérèglement climatique. Oui, mais c'est super le dérèglement climatique. Allez, bon, passons à la meilleure solution pour sauver la planète, c'est pas sauver l'humanité. Merci de m'avoir écouté.